comme le petit gars qui a 7 ans, puis il a peur de pas arriver à 21, tu sais. On a peur de pas arriver à terme. On arrive à terme, on est programmé pour arriver à terme. Veux, veux pas, t'arrives à terme. Mais en attendant, au lieu de vivre des vies qui sont convenantes, on vit des vies qui sont astreignantes. Puis souvent, si les vies sont trop astreignantes, on n'arrive pas à terme. Alors, quand ils disent que l'homme ne doit pas mourir sur la terre, ils disent que l'homme doit en arriver à un point où il est capable d'être réceptif au rayon pour recevoir de cette vibration qui lui donne de l'intelligence et de la volonté et qui le fait vivre dans la matière et qui change ses corps lentement, lentement, lentement, lentement, lentement, lentement, lentement. Qui le prépare. Mais ils disent qu'on a une autre subtilité dans notre esprit. C'est qu'on pense toujours à demain. Puis ça, c'est notre erreur de penser à demain. Quand je parle de demain, là, je parle dans 10 ans, dans 15 ans, dans notre avenir d'homme. C'est pas là qu'il se résout le problème de l'homme dans son avenir de demain. C'est de la spiritualité, ça. Ça fait partie de la mémoire. C'est dans le moment présent. Ils disent qu'un homme qui vit là, dans le moment présent, dans la conscience du rayon, il s'immortalise automatiquement. Il n'y a pas de choix. Parce qu'il est descendu en lui tellement de volonté et tellement d'intelligence que cette affaire-là, demain, puis après-demain, dans 10 ans puis dans 15 ans, est encore plus puissante. Mais un homme qui ne vit pas dans le présent, le plus possible dans le présent, suivant le rayon en lui, autrement dit, selon la diminution de sa mémoire, de la mémoire de l'âme qui le fait vivre le plus dans le présent, ne peut pas arriver à ces étapes-là de son évolution personnelle. Alors, pour nous autres, de vivre dans le présent, intelligemment et volontairement, c'est essentiel. Parce que c'est bien beau parler de la psychologie supramentale, puis le cosmos, puis toutes les patentes de demain. C'est bien beau. Mais si on s'accroche à ça et qu'on vit pas notre vie de maintenant, aujourd'hui, dans notre instant de tous les jours, qu'on n'est pas capable de transmuter l'énergie de la mémoire de l'âme chaque fois qu'il nous arrive une tuile sur la tête, on ne pourra jamais demain, même si on y rêve. Ce sera pour un autre temps. C'est pour ça que il y a bien du monde dans le monde qui se prépare ou en Californie, c'est pacté, en Europe, en France, en Angleterre, au Québec, c'est plein. Il y en a des millions d'hommes, des témoins de Jéhovah, les évangélistes, tout le monde s'en va à vie éternelle. Ils vont tous finir sur la rue Sainte-Catherine, toute la crise de guerre. Mais plus drôle, c'est qu'ils veulent aller au ciel, puis ils vont y aller. Puis il n'y a rien là. C'est pas le ciel que l'homme doit connaître. C'est pas l'astral. C'est la lumière de la terre. Puis les yeux de l'homme sont ses yeux. Les yeux internes de l'homme doivent être ouverts à cette lumière-là. Et pour qu'ils soient ouverts à cette lumière-là, il faut que l'homme puisse vibrer du rayon sur tous ses plans. Et la condition de ça, c'est de pouvoir vivre chaque jour dans sa vie de chaque jour d'une façon de plus en plus intelligente et de plus en plus volontaire. Chaque jour. Puis j'insiste bien gros sur ce point-là. Parce que ce qui empêche les gens de vivre chaque jour et ce qui fait que les gens vivent de demain et vivent d'une sorte d'espoir, c'est parce qu'ils n'ont pas assez souffert. Quand vous aurez assez souffert du rayonnement, du rayon, contre la mémoire, vous vivrez votre petite vie de tous les jours. Votre vêtement, votre maison, vos cendres dans vos poches puis votre steak. Moi, je vous le dis par expérience. Un jour, vous le saurez par votre propre expérience. C'est drôle que je sois obligé de parler pendant des années et des années et des années pour expliquer pendant des années et des années des choses qui ne se comprennent que dans des années et des années. Je parle maintenant des choses qui se comprennent dans des années et des années. C'est comme une contradiction quasiment. Puis la seule raison que ça doit être fait ainsi, c'est que autrement, ce serait essentiel et nécessaire que les hommes soient eux-mêmes fusionnés indépendamment. Mais les hommes n'ont pas les principes suffisamment développés pour l'absorber, ce rayon-là. Alors, il faut qu'il y ait une sorte d'apprentissage pour nettoyer un peu la mémoire de l'âme, pour que le rayon se fasse sentir, puis pour qu'éventuellement l'homme puisse rentrer dans la vibration de ce rayon-là. C'est comme parler dans le temps, puis savoir qu'il faut que les gens en arrivent à ne plus vivre du temps. Si vous regardez votre psychologie ancienne, puis le développement d'une, d'une psychologie nouvelle, vous pouvez sentir un différentiel vibratoire au niveau du mental puis de l'émotion. Il y a un différentiel. Pardon. Ce que vous étiez avant, puis ce que vous êtes aujourd'hui, il y a une différence. C'est plus pareil. Petite différence. Ou une grosse différence, dépendant des cas. Mais il y a une différence. Et c'est la différence qui est l'action du rayon. Et cette différence-là, même si elle est très petite, il faut qu'elle s'accroisse, puis qu'elle s'accroisse, puis qu'elle s'accroisse, puis qu'elle s'accroisse, puis qu'elle s'accroisse. C'est l'action du rayon. Fait que c'est bon que vous le sachiez que c'est l'action du rayon. Parce qu'un homme dans la vie, un homme dans la vie qui change inconsciemment. Les gens disent souvent, j'ai changé. C'est pas qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont pris d'autres attitudes. L'alcoolique, par exemple. Il boit plus. T'as les nerfs, il boit plus. Les gens ont développé d'autres attitudes positives. Mais changer, ce n'est pas se conscientiser. Tu peux changer 50 000 fois d'une vie. Tu vas arriver au bout de 80 ans, mais tu vas avoir plus d'expérience, tu vas être un petit peu plus, un petit peu moins sans dessein. Mais ça n'a rien à faire avec la conscience. La conscience, c'est l'agissement du rayon dans l'homme, et une fois que l'homme se conscientise, il ne peut plus se déconscientiser. Tu peux changer d'envie puis prendre des bonnes habitudes, mais ensuite tu vas en prendre des mauvaises, et ainsi de suite. Tu peux aller de en avant, en arrière, en avant, en arrière. Mais quand tu te conscientises, c'est pas la même chose. Tu peux plus reculer en arrière. Mais tu arrives à un point où tu sens la pression des événements sur ton émotion puis ton mental. Pis c'est quand tu sens la pression des événements sur ton émotion et ton mental que tu dois faire comme un âne. Tu te braces. Puis tu grouilles pas. T'attends que ça part. Le rayon travaille. Puis il travaille. Fait qu'éventuellement, quand t'es habitué à te bracer, quand ça arrive, ça. Mais chaque fois que ça arrive, une situation pour te créer une confusion dans le mental ou l'émotionnel, tu connais la game, tu te tasses. Une autre situation, tu connais la game, tu te tasses. Puis éventuellement, t'en connais tellement la game, comment il y a une guerre nucléaire, ça change rien. T'es tassé. C'est ça être intelligent. Mais si t'es pas tassé quand que ça arrive, Les grands conflits, les tremblements de terre, les famines, les ci, les ça, les pressions économiques. Qu'est-ce qui arrive? Tu paniques. Tu tombes dans ta mémoire. Capote. Quand ils nous disent que c'est pas de nos affaires, notre vie. Quand ils nous disent que c'est pas de nos affaires, notre vie. C'est occulte en maudit, ce qu'ils nous disent. Puis tant que c'est de nos affaires, notre vie, c'est parce qu'on est dans les mémoires de l'âme. Ça shake bien du monde quand ils se font dire c'est pas de tes affaires, ta vie. C'est pas de nos affaires. Si on s'en va vers la fusion, on s'en va vers la fusion, on s'en va vers la fusion, c'est évident que notre vie, qui est pas une vie, qui est simplement une existence. C'est pas de nos affaires. On l'a même pas encore. Quand l'homme sera dans sa vie, là, ça sera de ses affaires. Mais notre vie, c'est pas de nos affaires, parce que c'est pas notre vie. C'est pas une vie. C'est une existence. C'est simplement une confrontation psychobiologique avec un environnement. On n'est pas ce qu'on est. On est simplement le produit d'une programmation liée à une mémoire, à travers des principes qui, constitués dans un tout, créent un homme inconscient. Notre vie, c'est pas de nos affaires. On la connaît même pas, notre vie. Si les gens connaissaient leur vie, ils fricraient. C'est pour ça que vous la connaissez pas. Si vous vous verriez, vous friqueriez net. Pourquoi? Parce que vos corps sont pas constitués pour le prendre. Vous êtes même pas capable de vous voir. Fait que ce que vous voyez, c'est pas vous autres. C'est simplement une personnalité. C'est un arrangement. Vous êtes des arrangements. Il y en a qui sont bien arrangés, il y en a qui sont plus mal arrangés. Tout ça de pot de fleurs, là. Là. On est tous des arrangements. Puis aussitôt que l'arrangement commence à se faire déranger, là, on panique. Puis on réalise pas que notre arrangement est dérangé pour être réarrangé. Par une puissance intelligente, créative. Parfait. L'ajusteur a pensé. Fait qu'on a en maudit des affaires à apprendre dans notre vie. Puis les affaires qu'on a à apprendre dans notre vie, c'est pas les grands thèmes de la cosmogénie. C'est pas les grands mystères de l'univers. C'est les petits mystères de l'homme. Puis les petits mystères de l'homme sont grands en maudit. Moi, je suis assez tanné de voir du bon monde. J'en ai soupé du bon monde. J'en suis rendu du bon monde. Parce que le bon monde, ils sont pas intelligents. C'est du bon monde. Des bonbons. Quand il y a de l'intelligence, t'es regarde, c'est pas du bon monde. C'est pas des cadeaux. Ou des affaires mères. J'ai rien contre le bon monde. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que dans le bon monde, il n'y a pas assez de volonté et d'intelligence. Il y a trop de bons sentiments. C'est toute la mémoire de l'art. Mais j'aime le bon moment. Mais quand j'aime le bon monde, ça leur donne rien, eux autres. Joe Blue peut être bien bon, puis je peux bien l'aimer parce qu'il est bien fin, puis il a des bonnes vibrations, mais lui, à cause du fait qu'il est bon, la vie est pénible en maudit. C'est à moins bon. La vie sera moins pénible. Puis comme je suis objectif, ça changera rien en bout de lui. C'est vous, c'est. peux pas être conscient et être du bon monde. C'est impossible. C'est impossible. Penses-tu que je suis du bon monde, moi? Ça sonne drôle. Imagine-toi que je suis du bon monde. Toi, c'est dur. Mais je vois être l'air en maudit. Ben. On peut pas vivre de la mémoire de l'âme. Tu comprends, il y en a dans la vie, ils ont accumulé du karma positif, ça leur sort par les oreilles. C'est évident qu'ils sont du bon monde. Ils ont eu des lignes d'incarnation, ça a été des moines, des frères, des sœurs, des petits pitous tout le long. Fait que tu comprends que c'est du bon monde. Ils ont donné leur vie pour sauver quelqu'un. Ils ont pâti pendant toute une existence. T'accumules tellement d'énergie statique positive qu'éventuellement, quand tu reviens ici, t'es comme un toutou. T'es bon. Tu regardes dans les yeux pis c'est du miel. Mais c'est pas une sécurité pour l'homme. La bonté. Je l'ai déjà dit dans les séminaires, toutes les vertus que vous avez ont leur souffrance. Si vous êtes bon, vous souffrirez parce qu'il y aura quelqu'un qui sera pas bon. Si vous êtes honnête, vous souffrirez parce qu'il y a quelqu'un qui est pas honnête. Si vous êtes charitable, vous souffrirez parce qu'il y en a un qui manque de charité envers vous. Ainsi de suite. Dans toutes les vertus, il y a une souffrance. Mais quand t'es dans l'intelligence, dans le rayon, puis quand t'es dans la volonté du rayon, pis tu fais ce que t'as à faire, t'es ni bon, pis t'es ni honnête, t'es ni charitable, t'es ni ça. Si le gars, il te regarde, pis c'est bon, pis c'est honnête, ben c'est ses problèmes, c'est pas le tien. Avec le phénomène de la mémoire de l'âme chez l'homme, puis le phénomène du rayonnement, de la descente du rayon dans l'homme, c'est un phénomène essentiel et crucial pour l'évolution de l'homme de la sixième race. Crucial. Crucial. Ceux qui pensent qu'ils vont comprendre quelque chose dans la vie, par réflexion, font savamment erreur. Ça sera jamais par réflexion vous comprendrez quelque chose dans la vie. Ça sera toujours vibratoirement. L'intelligence, c'est vibratoire, ce n'est pas psychologique. Il n'y a rien de psychologique dans l'intelligence. Il n'y a rien de psychologique dans le savoir. L'intelligence, c'est vibratoire, c'est une énergie, c'est un rayonnement. Fait que tant que vous allez vivre psychologiquement, vous ne comprendrez jamais rien. Vous allez penser que vous allez comprendre, mais vous comprendrez rien. Ça va, la vie va vous défaire votre compréhension dans 2 ans. Dans 2 ans, vous allez regarder en arrière, vous allez dire, maudit, je pensais que je comprenais ça, puis je comprends pas. Puis plus tard, vous allez regarder en arrière, vous allez dire, maudit, je pensais que j'avais compris ça, puis hop, il y a une petite affaire à ça. C'est vibratoire. Le rayon, c'est vibratoire. Le rayon, ça descend dans toutes les formes de l'homme, mental, émotionnel et vital. Le rayon, c'est le rayon qui ouvre l'esprit de l'homme sur l'infinité de l'intelligence. C'est le rayon qui ouvre l'esprit de l'homme sur l'infinité de l'intelligence. Alors, l'intelligence est infinie, et pour que l'esprit ait accès à son infinité, il faut que l'esprit vibre de l'homme selon les lois du rayon. Et pour que l'esprit de l'homme vibre selon les lois du rayon, il faut que l'intellect et l'émotion, ce qui fait partie de la plus grande mémoire de l'âme, soient neutralisés. Il faut que l'homme puisse voir à travers la forme. Totalement à travers la forme. Il faut qu'il ait l'intelligence et la volonté pour détruire la forme si elle devient un obstacle à son évolution interne. Mais la détruire selon la vibration du rayon et non pas selon une disposition ou une attitude psychologique. Parce que si vous détruisez la forme à l'intérieur d'une psychologie positive ou d'une psychologie basée sur un désir d'évolution personnelle, vous allez faire automatiquement des erreurs. Automatiquement des erreurs. C'est ce que les gens font quand ils vont dans les séminaires. Puis qui ça? Ils font des erreurs à tout coup, jusqu'à temps qu'ils comprennent. C'est vibratoire. C'est le rayon qui dirige l'homme. Pas l'homme qui décide de devenir plus intelligent ou plus volontaire. L'intelligence que vous allez développer par la méthode psychologique ou la volonté que vous allez développer par la méthode psychologique, ce n'est pas la volonté et l'intelligence du rayon. C'est la volonté et l'intelligence de l'homme qui est calquée sur la mémoire des émotions et de l'intellect de l'homme. Et plus le temps avance, plus l'initiation solaire avance, plus elle se répand dans le monde, plus le rayon devient puissant. Et plus le rayon devient puissant, plus les principes de l'homme vibrent. Et lorsqu'il arrive à un point où l'homme n'est plus suffisamment avancé dans son dégagement personnel, autrement dit, dans son intelligence naturelle, à sa volonté naturelle, il vient un point où le rayon devient tellement fort que même l'homme qui a été prêt de le saisir dans sa fonction créative en perd totalement le goût ou en perd totalement la capacité. Parce qu'il n'y a aucun homme qui est assuré de l'immortalité par l'initiation solaire. Rappelez-vous les bains. Aucun homme est assuré l'immortalité par l'initiation. Aucun. L'initiation solaire descend sur la Terre, la conscience supramentale se développe sur la Terre, puis il y en a des hommes qui sont aspirés dans un des corridors créés par cette énergie-là. Le corridor himalayen ou le corridor de l'Atlantique. Mais pas tous les hommes ont accès à l'immortalité. Alors, fondez pas votre vie sur l'immortalité. Fondez votre vie sur un accroissement de conscience qui vous permet de vivre votre vie dans la matière le plus et le mieux possible. Si vous allez plus loin pour des raisons d'évolution, ça va vous amener plus loin anyway. Mais si vous vous attachez trop au désir d'aller plus loin, vous allez manquer le bateau. Parce que plus loin, c'est loin. Plus loin, c'est loin. Puis plus loin, c'est bien plus loin que vous pensez. Parce que plus loin ne peut pas être rattaché au corps de désir. Alors, c'est loin en maudit. Fait que tant que vous avez un corps de désir, c'est plus loin que ça encore. Fait que si vous avez encore un corps de désir dans 30 ans, c'est encore plus loin. Si vous avez un corps de désir dans 200 ans, c'est encore plus loin. Si vous avez plus de corps de désir dans 4 ans, c'est peut-être plus proche. Ah! Là, il y en a qui vont avoir de l'espoir. Tu sais? Le mouvement back and forth, l'espoir. C'est encore une illusion. Fait qu'aussitôt qu'il se passe une réaction en vous, mentale ou émotive, d'ordre inférieur, automatiquement, ça vous ramène encore à plus loin. L'homme doit être vide. Et l'homme, il est vide quand il est rempli par le rayon. Puis il est vide parce qu'il n'y a plus de mémoire de l'âme active en lui. L'homme n'a plus aucun support psychologique. Il est totalement vibrant dans le mental, l'émotionnel puis le vital. Il n'y a plus besoin de savoir rien. Il n'y a plus besoin de connaître rien. Il n'y a plus besoin de rien, excepté de vivre selon les lois de la matière. Vêtements, nourriture, de l'argent sonnant et un toit. C'est pas facile de vivre comme ça parce que l'homme est extrêmement intéressé par l'avenir. Il est extrêmement intéressé par son devenir. Parce que déjà, il a en lui les marques, souvent d'une grande évolution antérieure. Mais une grande évolution antérieure, ça peut marquer énormément la mémoire de l'homme. Et ça peut retarder complètement et faire échouer un homme qui a été dans le passé grand, mais qui ne peut plus passer à travers les expériences de l'avenir. Moi, je connais des gens qui ont construit des temples en Atlantide et qui ne pourront pas passer dans l'immortalité de la sixième race. Qui vont aller vers le centre himalayen. Fait que l'importance de réaliser la nécessité de la destruction de l'âme et des fantômes qu'elle crée dans l'esprit de l'homme au niveau du mental et de l'émotionnel, c'est une importance qui est capitale. Vous le découvrez de seconde main, mais vous le saurez de première main. Vous savez, il y a une chose qui est perplexante pour l'homme. C'est qu'aussitôt qu'il y a sur une planète ou sur la Terre un initié, l'homme ne sait jamais à qui il a affaire. Même si l'initié est bien fait, puis il est bien fait. Autrement dit, un homme ne sait jamais, ne connaît jamais la profondeur d'un initié. Jamais. Et ne connaissant pas la profondeur d'un initié, un homme ne peut jamais mesurer son rapport avec un initié, de sorte qu'un homme ne peut jamais savoir, percevoir parfaitement un initié. De sorte qu'un homme ne peut jamais comprendre parfaitement la mémoire d'un initié. Et ne pouvant pas connaître, comprendre parfaitement la mémoire d'un initié, il est incapable de voir jusqu'à quel point la mémoire d'un initié est parfaite. Et elle est parfaite parce qu'elle est totalement en dehors de la mémoire de l'âme. Elle fait partie de l'intelligence. Et à cause de ce phénomène-là, il y a eu des initiés qui sont venus dans le temps de l'homme, qui sont venus sur la terre de l'homme et qui n'ont pas été perçus, compris, saisis par l'homme. Le Nazaréen, c'est un exemple. Si les hommes avaient saisi le Nazaréen, si les hommes avaient perçu le Nazaréen comme quelques-uns de ses amis l'avaient perçu, l'humanité aujourd'hui serait beaucoup plus vaste en conscience planétaire. Ça a été la même chose durant l'Atlantide. Les hommes ne perçoivent jamais les initiés parce que les hommes sont contaminés par la mémoire de l'âme. Et ça, c'est une des conditions de grande souffrance de tous ceux qui viennent sur la Terre pour donner une instruction à l'homme. Parce qu'ils sont toujours seuls. Et pourquoi ils sont toujours seuls? Parce qu'ils sont seuls. Et pourquoi ils sont seuls? Parce qu'ils sont totalement dans l'intelligence. Et c'est seulement quand tu es dans l'intelligence que tu es seul, parce que quand tu es dans l'intelligence, tu es toujours au-dessus, au-delà de la mémoire de l'âme. Tout le temps. Alors, le phénomène d'être seul pour un initié, c'est normal. Il se complaît dedans. Et comme tous les arbres qui poussent dans un verger, il y a toujours une possibilité qu'un certain nombre de pommes poussent de ces arbres-là. Mais il y a toujours un certain nombre de pommes qui ne peuvent pas faire le panier. Ça, c'est la condition de l'involution. Et si c'est tellement réel, ce que je vous dis, que s'il en était autrement sur une planète, si les hommes sur une planète pouvaient sentir un initié, voir un initié, percevoir un initié, sentir des mots, sentir ce qu'il veut dire, se lier à la vibration de son propre rayon, les hommes n'auraient pas besoin d'initier. Ils auraient en eux-mêmes suffisamment d'énergie rayonnante pour passer directement à la conscience de la sixième race. Alors, ça nous montre jusqu'à quel point l'écart entre l'initié et l'humanité est grand et vaste. C'est pour ça tout ce qui vous est dit, dans les moindres détails, tout ce qui vous afflige dans votre psychologie, dans votre émotion, tout ce qui vous bouscule dans vos intérêts, tout ce qui traduit en vous une certaine tristesse, une certaine crainte, un certain déboussolement, tout ceci est de grande importance parce que c'est ce qui vous affecte dans votre mémoire qui devient le voile contre votre conscience, Cosmo. C'est pas ce qui vous plaît! C'est pas les réponses à vos petites curiosités intellectuelles qui vont vous faire avancer. Aucunement. L'envers, oui. C'est pas ce qui vous plaît. Fait que si vous vous complaisez dans des réponses que je peux vous donner à des questions qui sont d'ordre personnel, égocentrique, spirituel, même vaniteuses, dans le fondement précis de leur position dans votre être inconscient, ça vous sert absolument rien. C'est pour ça ce que je trouve le plus drôle. Puis ça, c'est marquant, c'est que les gens les plus sensibles à leur propre rayon sont les gens qui sont les moins curieux vis-à-vis eux-mêmes. Vis-à-vis la connaissance. Ils ont déjà la connaissance. Et ce sont ceux qui sont les plus silencieux dans leur raccordement, dans leur rapport avec ma personne. Il y a une leçon, là. J'en connais qui n'ont jamais osé me demander une question personnelle. Qui n'ont jamais osé me demander une question personnelle. Pas à cause de la gêne. Mais qui n'ont pas osé. Parce qu'il y a des mécanismes en eux qui n'existent pas. L'initiation solaire, ce n'est pas ce que l'homme pense que c'est. L'initiation solaire, ce n'est pas ce que les maîtres pensent que c'est. L'initiation solaire, c'est un très, très grand secret du rayon qui descend sur la Terre. Un très grand secret voilé à l'homme. Surtout à l'homme spirituel. Parce que l'initiation solaire, c'est cette marque, c'est ce feu qui détruit les formes qui sont puisées dans le matériel et qui sont puisées dans le spirituel. Beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit sur l'initiation solaire. Comme beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit sur toutes sortes de choses. Mais l'homme découvrira que l'initiation solaire, c'est une chose extrêmement personnelle. Que celui reconnaît par lui-même. Selon lui-même. C'est interne et personnel à chaque homme initial. Et ce n'est pas une caractéristique vertueuse de l'homme, l'initiation solaire. L'initiation solaire, c'est l'abolition de la cinquième race. À l'intérieur d'un certain nombre de véhicules. Pour la protection de la Terre et l'évolution d'une nouvelle civilisation. C'est l'ouverture de certains corridors sur la Terre pour l'évolution de l'homme. C'est le contact entre l'homme et le rayon de la création. Mais ça dit beaucoup de choses, le rayon de la création. Bailey en parle d'une façon euphorique du rayon de la création. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le rayon de la création, c'est la perfection absolue de la vibration de la lumière qui descend des plans les plus élevés de l'univers jusqu'aux plans les plus bas de l'univers. Le rayon de la création, c'est cette vibration qui permet à tout ce qui est engendré en dessous de lui d'être soutenu par lui. Autant le rayon de la création permet à l'homme d'évoluer, autant le rayon de la création permet à l'homme de transposer sa matière dans une autre dimension, autant le rayon de création crée, maintient les champs d'énergie magnétique gravitaire dans la galaxie. Et le rayon de la création, ce n'est pas encore Dieu, ce que les hommes appellent Dieu. Et lorsque l'homme considère vibratoirement la perfection de ce rayon-là dans son centre mental, dans son centre émotionnel, dans son centre vital, il est évident qu'éventuellement, sur le plan matériel, il n'est plus conditionné par les lois de la mort. Parce qu'il a saisi en esprit la perfection de ce rayonnement-là. Et lorsque l'homme saisit la perfection du rayon de la création en lui, il devient parfait. C'est pas une vertu, la perfection. Les hommes pensent que c'est une vertu parce que les hommes pensent en termes de vertu, les hommes pensent en termes de qualité et de défaut, les hommes pensent en termes d'évolution progressive du matériel psychologique ou du matériel émotionnel. C'est pas ça, la perfection. La perfection, c'est le développement continu de la vibration en dehors du temps. C'est ça, la perfection. Et la perfection, c'est sans fin. Alors, si l'homme perçoit cette vibration dans un temps donné de son évolution, où il devient suffisamment intelligent, il lui est très facile, très raisonnable, très aisé, très naturel de se savoir immortel. Mais tant que l'homme n'a pas cette facilité de percevoir le rayon en lui, il peut se leurrer de l'être ou il peut exprimer le désir de l'être. Mais ceci ne l'engage pas à l'être. C'est pour ça, lorsque je dis que notre vie, que la vie de l'homme sur la Terre, c'est pas sa vie. J'instruis l'homme dans une dimensionnalité de la réalité qui peut faire vibrer en lui le mental et l'émotionnel pour que puisse sortir de cette mémoire mentale et émotive un aspect de lui-même qui est déjà, qui fait déjà partie du rayon de la Terre. Alors, automatiquement, ça donne à l'homme une tangente, une petite ouverture sur lui-même. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que je dis qui sont simplement pour donner à l'homme une petite ouverture sur lui-même, parce que ce sont des choses qui sont difficiles à penser, il faut les savoir. Tous les hommes sont programmés. C'est-à-dire que tous les hommes suivent un acheminement qui est concrètement réalisé selon une programmation qui est établie selon la mémoire de l'âme. Et l'homme, un jour, doit détruire la programmation pour être totalement libre. Et pour qu'il détruise la programmation qui lui est imposée, pour qu'il détruise en lui le caractère existentiel de sa vie, il doit être sensible à ce rayon-là. À cette volonté-là en lui qui le pousse. Parce que le rayon pousse. C'est comme si on se fait pousser dans le dos. On se sent comme obligé de faire certaines choses malgré soi. C'est ça, le rayon. Ça soulève des émotions, on passe à travers. Et il est là, le perfectionnement de l'homme. Alors, éventuellement, l'homme perd totalement le libre arbitre. L'homme devient libre. Question. Il n'y a pas des C'était un petit peu délicat, ce que je veux dire. Les hommes, il y a des hommes qui vivent extérieurement eux-mêmes, puis il y a des hommes qui vivent intérieurement eux-mêmes. Puis les hommes ont l'impression qu'ils peuvent ou qu'ils doivent vivre soit extérieurement ou intérieurement. Et le plus drôle, c'est que l'homme ne doit pas vivre extérieurement, il ne doit pas vivre intérieurement à lui-même. Il doit vivre extérieurement à son intérieur. Y en a-t-il qui comprennent ça? Oui. Bon, on va éliminer les gens qui vivent extérieurement eux-mêmes, les matérialistes, là, les gens inconscients. Bon. Il y a les gens qui vivent intérieurement, les gens spirituels. Puis l'homme doit vivre extérieurement à son intérieur. Pas extérieurement. Puis pas intérieurement, mais extérieurement à son intérieur. Tu comprends ça, toi, Daniel? Pas s'attacher à ce qu'il pense en dedans de lui. Pas s'attacher à ce qu'il pense à l'extérieur, ou ce qu'il voit à l'extérieur de lui. Mais toujours se projeter sans arrêt. Mais bon, dans un constant mouvement de ce qu'à l'intérieur, ça fait germer. Pas faire une espèce de... Être détaché de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui veut vivre à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur que quoi? Je veux vivre à l'extérieur. C'est ça la créativité, c'est ça. C'est ça la créativité. Ça part de l'intérieur. La créativité, c'est une faculté dans l'homme qui lui permet d'absorber de l'extérieur de son intérieur. Quand je parle de l'extérieur à son intérieur, je parle pas de l'extérieur matériel. Je parle de l'extérieur à son intérieur. C'est comme si l'homme a un extérieur, puis l'homme a un intérieur. Mais les hommes vivent soit au niveau de leur extérieur ou au niveau de leur intérieur. L'extérieur, c'est matériel. L'intérieur, c'est spirituel. Puis l'homme doit vivre de l'extérieur à l'intérieur. Quand ils vivent de l'extérieur, ils implosent constamment. Ouais, ils implosent, ils les absorbent. Quand ils vivent de l'intérieur, ils fermentent. C'est ça. Et l'homme doit imploser, l'homme doit absorber constamment de l'extérieur à son intérieur pour le faire passer à l'extérieur. À l'autre extérieur, à l'extérieur matériel, si tu veux. À l'extérieur de sa personnalité. Le problème avec les hommes spirituels, avec les gens spirituels, c'est qu'ils vivent intérieurement. Et autrement dit, comme lui il dit, ils fermentent intérieurement. Puis ce qui arrive quand tu fermentes intérieurement, c'est quand éventuellement, tu deviens fermé intérieurement. Si tu fermentes trop intérieurement, éventuellement ça fermente, puis ça te remplit tout. Fait que tu te fermes. Fait que quand t'es bloqué, tu peux plus aller vers l'extérieur. Mais quand tu absorbes de l'extérieur de ton intérieur, au lieu de fermenter dans ton intérieur, tu le fais vibrer ton intérieur pour canaliser cette énergie-là vers l'extérieur. Si tu vis intérieurement, tu te spiritualises, tu t'astralises intérieurement, Tu vis de tes sentiments intérieurs, de tes pensées intérieures. Tu formules intérieurement. Au lieu de détruire intérieurement tout ce qui existe, pour que l'intérieur soit simplement un canal par lequel passe l'extérieur de l'intérieur, le rayon, qui allume, qui fait vibrer les corps et qui passe, qui projette. Alors, quand un homme, c'est subtil cette affaire-là, vous le ferez expliquer par d'autres plus tard, par Ménard ou ceux qui comprennent, mais parce que c'est bien important, cette partie-là. Quand on vit de l'extérieur, de notre intérieur, on devient automatiquement intelligent. Quand on vit simplement de notre intérieur, on est spirituel, on n'est pas intelligent. Quand on vit de l'extérieur, on n'est ni intelligent, ni spirituel, on est simplement inconscient. Jeannie, es-tu là? Do you understand this? You relate to that, eh? Quand tu agis d'après les données intérieures, agir selon les données intérieures... Non, c'est... Ben, regarde, là. La façon dont vous me l'exprimez... La façon dont vous me l'exprimez révèle que vous vivez de l'intérieur. Comprenez-vous? Tu peux toujours juger, savoir si un homme vit de l'extérieur de son intérieur par la façon qu'il parle. Parce qu'un homme qui vit de l'extérieur de son intérieur ne peut pas...